notamment des mesures de prévention. De prévention. Mm-hmm. Je reviens sur une mesure qui avait été dite par la ministre de la Santé dans sa déclaration comme un des outils de riposte, c'est la pulvérisation intradomiciliaire. C'est une pratique qu'on rencontre dans beaucoup de pays parce que, vous savez, les moustiques, ils peuvent entrer dans la maison, mais la majorité des moustiques se trouvent à l'extérieur. Il y a une formation qui nous a été faite où on disait qu'un moustique anophèle, avant de mourir, peut pondre jusqu'à 150 larves. Alors, sur les 150 larves qui grandissent, c'est pas tous les 150 qui vont entrer dans la maison, dans nos maisons. Ils sont à l'extérieur. Alors, pour les détruire, c'est uniquement par la pulvérisation intradomiciliaire. Alors, dans le coup de riposte, on mettait en avant 28 districts qui se trouvent dans les provinces les plus touchées, les plus endémiques. Et là, je me disais qu'il ne faut pas dire 5 premiers districts. Il faudrait que le gouvernement mobilise vraiment des financements pour passer à une pulvérisation dans les 28 districts. Comme ça, ce serait un début et il serait facile de mesurer les résultats obtenus. L'autre chose, je ne sais pas si c'était un souhait, que dans tous les centres de santé, au niveau de tous les districts, qu'il y ait la disponibilisation des médicaments. Ici, nous parlons de l'artisanat tamodiakine. Ok, jusqu'à aujourd'hui, c'était gratuit. Ça continue à être gratuit. Mais il faudrait aussi que la quinine puisse être donnée gratuitement. Parce que c'est pas vraiment tous les Burundais qui peuvent s'acheter une cure de la quinine. Donc, il faudrait avoir pitié de ces gens qui sont en train de mourir parce qu'ils n'ont pas les moyens d'accéder aux soins de santé. L'émission, c'est toujours Parlons Santé. Où sommes-nous après la déclaration de cette épidémie de paludisme? La parole est donnée au directeur du Programme national intégré de lutte contre le paludisme, Dr Dionys Niziguiman. C'était en date du 13 mars 2017 que le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida a déclaré l'épidémie de paludisme dans notre pays, le Burundi. Et puis, dès lors, le ministère de la Santé publique doit lutter contre le sida, en collaboration avec les partenaires techniques et financiers qui appuient le ministère de la Santé, se sont réunis. Tout d'abord, c'était justement pour qu'on puisse élaborer ce qu'on appelle le plan de riposte. Ce plan de riposte vient d'être terminé. Maintenant, ça a été mise à disposition des utilisateurs. C'est un plan de riposte qui contient des axes d'intervention, notamment il y a l'axe à l'apport avec la prise en charge, et puis il y a aussi l'axe à l'apport avec la prévention. Ici, si on parle de la prévention, il faut savoir l'utilisation des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action, et puis aussi la pulvérisation intradomiciliaire. Il y a aussi d'autres axes qui sont à l'apport avec l'évaluation et le rapportage des cas de paludisme et l'axe d'intervention en rapport avec la coordination et enfin celui qui est à l'apport avec la mobilisation des ressources et la communication. Voilà les axes d'intervention qui se trouvent dans son plan de riposte qui vient d'être élaboré en collaboration avec les partenaires techniques et financiers. Alors il y a eu justement mise en place d'une task force qui est composé par les cadres du ministère et les partenaires justement techniques et financiers. Ce task force se réunit chaque semaine pour essayer d'évaluer l'état de mise en œuvre, l'évolution des cas de paludisme et puis aussi donner des orientations pour qu'on puisse justement faire des interventions qui sont visées justement à la lutte contre cette épidémie. En tout cas, la situation n'est pas alarmante. Ici, je peux vous dire qu'au moment de la déclaration, par exemple, la première semaine du mois de janvier de cette année, les cas de maladie de paludisme qu'on a enregistrés s'élevaient à 232 764. Et puis si on essaie de voir maintenant où nous sommes à la 13e semaine, le nombre de cas qu'on enregistre par semaine s'élève à 148 838. Vous comprenez très bien que maintenant la situation est maîtrisée et que les cas ont une tendance à la diminution, à la baisse. Et puis aussi, si on essaie de voir le nombre de décès, la première semaine du mois de janvier, on a enregistré 91 décès par semaine. Mais si on fait allusion à ce là où nous sommes maintenant, on enregistre moins de 80, c'est-à-dire dans les 70 et décès par semaine. Quand même, c'est une perte en vie humaine, mais quand même, on va essayer de faire un effort pour qu'on inverse cette tendance à la baisse. Lors de la déclaration de l'épidémie par Madame la ministre, elle avait parlé effectivement de son plan de riposte dont on venait de dire. Elle avait également parlé du traitement de masse, de la pulvérisation intradomiciliaire dans les 26 districts qui sont ciblés par cette épidémie. Elle avait également parlé de la gratuité des soins. Votre commentaire, monsieur le médecin directeur du programme national intégré de lutte contre le palu. Oui, justement, comme vous venez de le dire, pour en ce qui concerne la pulvérisation intradomicilière, maintenant, le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida, à travers le programme national intégré de lutte contre le paludisme, vient de faire une pulvérisation intradomicilière, tout d'abord dans la province d'Ngozi, et plus précisément dans le district sanitaire d'Obouye et le district sanitaire de Kilemba. Et puis, maintenant même où je vous parle, la semaine passée, on vient de clôturer la pulvérisation intradomicilière dans la province sanitaire de Muyinga, plus précisément dans le district sanitaire de Gacho et le district de sanitaire de Muyinga. Alors, il y a des produits, justement, des insecticides qui ont été amenés par le partenaire où on est en train de faire le processus de faire entrer ces produits au niveau du pays. Ça est déjà entré, mais ça n'a pas encore sorti du port. C'est le World Vision qui avait acheté ces produits. Nous espérons que d'ici peu de jours, aussi ces insecticides pourront être mis à disposition du programme pour qu'on puisse justement les utiliser dans les autres districts sanitaires qui n'ont pas encore bénéficié de cette pulvérisation intradomicilière. Quant au traitement de masse dont vous parlez, maintenant nous sommes concentrés surtout dans le déploiement du personnel et du secteur de la santé, justement du niveau central, pour qu'ils puissent aller appuyer le personnel du niveau intermédiaire qui, en certains moments, était débordé par l'afflux massif des patients qui viennent dans ces formations sanitaires. Mais ce qui a été fait encore, c'est qu'on a mis en place des équipes mobiles au niveau intermédiaire. Ces équipes mobiles, ce sont des équipes qui approchent la population au lieu de laisser la population justement venir à de longues distances, pour parcourir de longues distances en venant à des formations sanitaires. Vaut mieux que ces équipes mobiles justement se déplacent pour approcher la population et les prodiguer des soins qui sont nécessaires. C'est ça qui est en train d'être mené en premier temps, et dans le deuxième temps, si ça sera indispensable toujours, on va s'attaquer au traitement de masse. Oui, le message que je veux adresser à la population qui est en train de nous écouter, c'est un message de tranquillisation. De tranquillisation tout d'abord, puisque on a constaté finalement qu'avec la force qu'on est en train de mettre pour lutter contre cette épidémie, ça nous montre que les chiffres ont tendance à la baisse, alors qu'avant, les chiffres avaient tendance à la hausse. Ça, c'est un message alors de tranquillisation de la population qui est en train de nous écouter. Et puis, en plus de ça, je voulais aussi rappeler la population qui est en train de nous écouter que le mal le plus important dans cette situation nous sommes maintenant, tout d'abord, c'est la prévention. Vous savez, la prévention, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, il faut se couvrir, il faut utiliser le moustiquaire imprégné d'insecticides à longue durée d'action. Vous comprenez très bien qu'on a déjà constaté qu'il y a les gens qui utilisent cet moustiquaire à des faits qui ne sont pas leur destinés. C'est-à-dire, il y a les gens qui utilisent ça pour l'emballage des tomates. Mais en cas d'épidémie, précisément, ce n'est plus la prévention, c'est le traitement. Non. Écoutez, même si on traite en cas d'épidémie, si on traite et qu'on ne se protège pas, je vous dis, vous n'aurez pas fait grand-chose. C'est-à-dire, vous retombez encore malade. Alors, c'est pourquoi je dis qu'il mieux vaut prévenir que guérir. Mais en plus de ça, je conseille bien sûr les gens de se rendre dans les formations sanitaires dès qu'ils entendent le signe précurseur de cette maladie. En l'occurrence, il y a la fièvre, il y a les frissons, il y a les maux de tête, Dès que vous entendez ces signes, les gens qui se précipitent en formation santé, pour que tout d'abord on soit dépisté, puisque ces signes peuvent être associés à d'autres maladies, pour qu'ils soient dépistés et avoir justement un traitement qui est adéquat. Et merci, fidèles auditeurs et auditrices de notre émission Parlons Santé. C'est sur ce message du docteur Dionyse Nisguimana que nous mettons fin à notre émission. Une émission qui était centrée sur la lutte contre l'épidémie de paludisme avec les différentes actions et avancées dans la lutte avec le gouvernement du Burundi et la société civile. Nous disons merci à tous nos fidèles auditeurs et auditrices qui nous ont prêté oreille attentive. Merci aussi à vous, Ginette Kalilekinyana. Merci à vous, Albert Bonnelané. Merci à Dr. Dionyse Nisguimana. Merci pour votre spontanéité à répondre à mes questions. Et Jidenda Ilagije, qui était à la présentation de cette émission, vous souhaite de passer un très bon week-end chez vous avec la radio scolaire de la Gakura. Et prochain rendez-vous, c'est samedi prochain à la même heure. Bye bye. C'était Parlons Santé, une émission d'information et de sensibilisation pour l'acquisition des méthodes, pratiques et techniques de base en matière de santé, à la réalisation et à la présentation. Égide Ndaïra Guigui.